Travis, nigga, what's up? Allô, c'est nous, tu m'aimes pas, relou, tu vois là, chelou, mon bébé, jaloux. Allô, c'est nous, tu m'aimes pas, relou, tu vois là, chelou, mon bébé, jaloux. Choqué, oh, faut les choquer, oh. Ils sont pleins de grands gestes, donc faut tous les calmer, oh, hey. Choqué, oh, faut les choquer, oh. Ils sont pleins de grands gestes, donc faut tous les calmer, oh. J'tire dans le mille, mon bébé, je le compte en mille. J'sais que tu m'appelles en anonyme, je les ai contaminés, je les contaminés. Faire copier tout mon style, qu'est-ce que ça fatigue. Je vérifie le nombre de balles dans le balayer. Je veux surtout pas que ça s'enraye quand je vais appuyer. Je vérifie le nombre de balles dans le balayer. Je veux surtout pas que ça s'enraye quand je vais appuyer. Allô, c'est nous, tu m'aimes pas, relou. Tu vois là, chelou, mon bébé, jaloux. Allô, c'est nous, tu m'aimes pas, relou. Tu vois là, chelou, mon bébé, jaloux. Oui, oui, oui, c'est moi la queen. Tu crois connaître ma vie, c'est pas ce que t'imagines. Oui, oui, oui, c'est moi la queen. Tu crois connaître ma vie, c'est pas ce que t'imagines. Ça devient dangereux, je crois que j'entends crier. Je crois que je ne vois plus briller. Je vois ta carrière dans le sablier. Nouvelle Rolly, j'adore ça. Collier, j'adore ça. Et beaucoup de billets, t'attends ça. Nouveaux amis, j'te laisse ça. Je vérifie le nombre de balles dans le barillet. Je veux surtout pas que ça s'enraye quand je vais appuyer. Je vérifie le nombre de balles dans le barillet. Je veux surtout pas que ça s'enraye quand je vais appuyer. Allô, c'est nous, tu m'aimes pas, relou. Tu vois là, chelou, mon bébé, jaloux. Allô, c'est nous, tu m'aimes pas, relou. Tu vois là, chelou. Jaloux, alors c'est nous. Tu m'aimes pas.